Des médias sud-coréens exigent la démission de Park Geun-hye. Le journal d'internet La Voix du Peuple a inséré le 13 un éditorial titré « La population en rage exige la démission immédiate de la présidente Park Geun-hye ». Il a écrit « Presque 30 ans après la résistance pour la démocratisation en 1987, un million de personnes se sont réunies à Séoul le 12 novembre. Le préalable de la normalisation des affaires d'État est la démission immédiate de Park Geun-hye ». Dans son éditorial du 14, le Kyungyang Shimun a écrit « Un million de bougies qui ont éclairé le 12 les rues de Séoul ont montré que la démission de Park Geun-hye est l'ordre des citadins. Les bougies sont allumées pour demander la démission de Park Geun-hye. Elles éclaireront un régime nouveau, une époque nouvelle. » Le même jour, le journal d'internet Minzok Ilbo aussi a donné un éditorial titré « Vaut mieux hâter la démission de Park Geun-hye ». Par ailleurs, les médias ont fait part de l'intensification inouïe de la campagne de différents milieux pour lancer des déclarations d'actualité.